Tu mérites un baby qui sort de la salle de bain. Ça fait 20 minutes que je t'attends, j'ai mis mon divan. J'ai cassé